Le comité préparatoire du Nord pour la conférence pan-nationale en faveur de la paix et de la réunification de la patrie et du développement des rapports Nord-Sud a publié le 17 un communiqué qui note « La réunion de travail du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la conférence pan-nationale pour la paix et la réunification de la patrie et le développement des rapports Nord-Sud a lieu le 7 et 8 février à Shenyang de Chine, dans la situation où tous les Coréens de l'intérieur et de l'extérieur du pays livre vigoureusement les préparatifs du rendez-vous pan-national favorable à la réunification. Y ont participé les membres des commissions de travail des comités préparatoires du Nord, du Sud et d'Outre-mer pour la conférence pan-nationale. Lors de la réunion, on a discuté de l'organisation du comité de travail commun pour dynamiser les préparatifs du rendez-vous pan-national et a constitué formellement le comité commun de travail dont les coprésidents sont les présidents des commissions de travail du Nord, du Sud et d'Outre-mer. On y a délibéré également sur la forme et la méthode de gestion et les orientations d'activité immédiate du comité commun de travail. Les participants à la réunion ont exprimé leur volonté d'organiser à coup sûr la conférence pan-nationale, cette année significative marquant le 45e anniversaire de la publication de la Déclaration commune du 4 juillet et le 10e anniversaire de la publication de la Déclaration du 4 octobre, afin d'ouvrir une nouvelle phase de la réunification indépendante. La constitution du Comité commun du travail du Nord, du Sud et d'Outre-mer, dans la situation où toute la nation coréenne accorde une attention et une attente accroissante au rendez-vous national pour la réunification, permet de dynamiser conformément à l'intention et aux exigences de toute la nation les préparatifs de l'organisation de la conférence pan-nationale pour la paix et la réunification de la patrie et le développement des rapports Nord-Sud.